La semaine prochaine, jeudi 18 février 2021, aura lieu un truc absolument incroyable dans l'histoire de l'humanité, un objet humain va atterrir sur une autre planète, le rover Perseverance. Alors, auditeurs et auditrices blasés, je vous entends déjà ruminer « Ah c'est bon, on le fait tous les jours ça maintenant ?» Eh bien pas du tout, ça reste absolument exceptionnel. Sur les 48 sondes spatiales envoyées vers Mars, on compte seulement 19 succès, soit un taux de succès de 40%. Mars, c'est loin, et Mars, c'est dur. Avec nous ce soir, pour nous expliquer les enjeux de ce rover et de celui qui l'a précédé, William Rapin, chercheur au CNRS à Paris. Nous sommes le 10 février 2021. Vous écoutez l'épisode 437 de Podcast Science. Bienvenue! Autour de notre table, donc, qui est virtuelle Covid oblige, notre invité William depuis Toulouse. Bonjour. Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Pascal depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde. Cléora depuis Perduville en Normandie. Bonsoir à tous. Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Et moi-même depuis Belle-Île. Je suis très content ce soir de recevoir William. On s'est plusieurs fois croisés au cours de notre étude et carrière. Voilà. Donc, merci beaucoup de venir ce soir à notre émission. Est-ce que tu pourrais, du coup, commencer par te présenter un petit peu rapidement et ton parcours de recherche ? Ouais, alors moi, je suis chercheur CNRS, planétologue et spécialiste de la planète Mars. Et donc ça a commencé par une thèse que j'ai fait en sortir d'études d'ingénieur, en école d'ingénieur. Et je suis arrivé au bon moment, au moment où Curiosity se posait sur Mars. Et donc j'ai pris un sujet de thèse qui me permettait de travailler directement sur les données à Toulouse, où a été conçue une des caméras laser, on va en parler un peu là, qui a été placée à bord du rover Curiosity. Et donc quand j'ai commencé ma thèse, c'est bon, il y avait un rover qui venait d'arriver sur Mars, donc j'ai commencé un peu au bon moment. Et j'ai utilisé cet instrument pour découvrir des minéraux hydratés à la surface de Mars, parce que cet instrument laser, il permet de sonder pour la première fois l'hydrogène. Ça, c'est ce que j'ai fait en thèse. Et en fait, ces minéraux hydratés, je me suis posé leur question du contexte géologique. Pourquoi est-ce qu'ils sont là sur Mars? Qu'est-ce que ça veut dire de les découvrir? On va en reparler plus en détail spécifiquement sur ces trucs hydratés, ouais. Après, je suis parti à Caltech pendant 3 ans. Et là-bas, c'est donc à Los Angeles, à Pasadena, à Los Angeles. Et historiquement, c'est là-bas que sont construits les robots martiens. Donc, j'étais très content de pouvoir me rapprocher de cet endroit-là. Et progressivement, je me suis investi de plus en plus dans Mars 2020. Je suis rentré en France où j'ai obtenu le boulot au CNRS. Et maintenant, on s'apprête à exploiter un nouveau rover en même temps que celui qu'on exploite aujourd'hui sur Mars. À l'issue de l'atterrissage, croisons les doigts de jeudi prochain. Donc, Mars 2020, c'est celui que je présentais comme plan Perseverance. Donc, c'est ça. Au début, la mission a un nom de code et après, il y a un concours pour donner un nom à cette mission. Perseverance a remporté le prix. Pour celle-là, ça fait un moment qu'on a un programme martien, donc il faut persévérer en quelque sorte. Quoi. D'accord. Alors du coup, avant de commencer à parler un peu de planétologie spécifiquement, je voulais vraiment parler de la semaine prochaine, de ce qu'allait se passer le 18 février 2021, donc jeudi prochain, un peu après 21h. Donc, toi, tu as vécu l'atterrissage précédent, celui de Curiosity, en août 2012. Direct. Et pourquoi est-ce que, du coup, tout le monde devrait suivre cet atterrissage? C'est pour faire un peu le teasing pour la semaine prochaine. Celui-là, c'est-à-dire qu'on arrive avec ce rover dans un terrain complètement nouveau, avec des ambitions qui sont plus les mêmes qu'avant. C'est-à-dire que l'exploration de Mars avance et notre perception de Mars avance aussi. Et les enjeux qu'on a choisis pour ce nouveau terrain, ils sont beaucoup plus importants que ceux d'avant. En fait, ce rover, il va avoir la capacité de collecter des échantillons qui devront ensuite être ramenés sur Terre. Et c'est peut-être de notre génération une des seules chances qu'on aura de faire ça, donc de rapatrier des échantillons martiens vers la Terre, où on peut faire des analyses poussées. Et l'idée de ces analyses poussées, c'est que le problème martien s'est heurté à une frustration, c'est que si on veut répondre à la question de la vie sur Mars, de la vie martienne, de l'apparition de la vie, pas seulement sur Terre, mais sur Mars, il nous faut des instruments de laboratoire sur Terre. C'est impossible d'emmener les laboratoires qui permettent d'analyser les microfossiles tels qu'on le fait quand on analyse des microfossiles terrestres du début de la vie sur Terre. Sur Mars, on a un terrain de jeu immense. On a de très très bonnes raisons d'aller sur Mars pour ça, parce que une grande partie de Mars est très ancienne, et c'est là qu'on va chercher des biosignatures, en fait. Et on sait qu'on va dans un terrain, alors cette fois encore nouveau, et très difficile à cibler. Et c'est pour ça que cet atterrissage est important, parce que on utilise, donc les Américains ont mis en place une nouvelle technologie pour atterrir, qui permet de cibler directement l'objectif. C'est-à-dire que pendant l'atterrissage, le rover va faire appel à une carte préconnue du terrain, et il va être capable de reconnaître les objectifs scientifiques en direct pendant la descente avec une caméra, en fait. Et du coup, bien qu'il y a des aléas atmosphériques qui va peut-être le mettre à distance, il va quand même utiliser sa propulsion de rentrée pour se diriger vers au moins un des objectifs scientifiques qu'on avait, nous, préchoisi sur la carte ensemble dans l'équipe scientifique. Donc, on va être capable d'atterrir les roues dans l'objectif. et c'est un terrain assez dangereux. Il y a quand même des falaises qui font des dizaines de mètres de haut. C'est pour ça qu'il faut quelque chose d'assez sophistiqué pour arriver à se poser sur des terrains comme ça. Moi, j'avais une question. Du coup, c'est où sur Mars exactement ? Parce que je pense qu'on a des auditeurs qui connaissent un peu, tu vois, la géographie de Mars, soit parce que ça a été abondamment décrit dans des livres de science-fiction, comme je pense à Mars la Rouge notamment, soit parce qu'ils sont passionnés. Est-ce que tu peux nous dire où c'est et quelles sont les caractéristiques géologiques de cet endroit ? Ouais, alors le cratère s'appelle G0 cratère. C'est un petit cratère, c'est-à-dire 50 km de diamètre, 40-50 km de diamètre. Quand même assez grand, mais en fait petit à côté de l'immense bassin d'impact. Il est situé à côté d'un immense bassin au nord-est de cet immense qui lui fait des milliers de kilomètres de large. Mais lui, donc, il a fait ce petit impact qu'on appelle G0. Et la curiosité de ce cratère, qui est évidente quand on a commencé à cartographier en détail la surface, eh ben on est tombé en faisant donc de l'imagerie avec télescopique depuis l'orbite. Sur un delta, les vestiges d'un delta, c'est-à-dire que ce cratère a été rempli. On a toute une collection d'eau en amont par des réseaux de rivières fossiles. Et dans le cratère, on voit une très belle forme en dentelle qui fait plusieurs dizaines de... peut-être une dizaine de kilomètres de long maximum, on va dire. Et qui en fait, correspond à un delta fluvial. C'est le vestige d'un delta fluvial qui remplissait ce cratère. Donc ça, c'est la preuve... irréfutable en géomorphologie, juste par la forme de ce dépôt. On sait qu'il y a eu un fleuve qui a déposé, qui s'est formé qui a formé un lac dans ce cratère. Et donc, on va directement se poser sur ce delta, juste au pied ou juste dessus. Et on y va aussi parce qu'il n'y a pas seulement que cette morphologie, il y a aussi des carbonates. Et ça, on le sait grâce à l'analyse minérale depuis l'orbite. Donc voilà, c'est un petit cratère situé à côté d'un énorme bassin d'impact. Et au sud, il y a aussi, c'est intéressant parce que le contexte géologique, il y a aussi un énorme volcan bouclier qui est au sud à quelques centaines de kilomètres. Donc voilà, c'est pour donner un peu le panorama. Ok, du coup, pour la semaine prochaine, je voulais préciser que si vous voulez suivre l'atterrissage en live, c'est toujours quelque chose qui est très, très, très impressionnant quand même, un atterrissage sur Mars, parce que c'est il y a ce côté un peu avec la descente le temps de descente est plus court que le temps que met les données à arriver depuis la Terre. Et du coup, il y a cette attente, en fait, où le rover est déjà posé, où c'est déjà scratché, on ne sait pas, mais où le signal arrive encore de la Terre. Donc, c'est un moment vraiment très, très impressionnant. Moi, je l'ai vécu la dernière... au JPL pour la mission Insight. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller sur les... Donc, il y aura plein de lives en français sur les chaînes YouTube du CNRS, sur celle du CNES, et en anglais, bien sûr, sur la chaîne de la NASA. Je vous conseille aussi la chaîne Twitch de Whitney, qui s'appelle Space Explorer, qui est une streameuse spécialisée en spatial du Café des Sciences. Voilà, donc ça commencera au début de soirée, j'imagine, heure française. Et puis l'atterrissage devrait avoir lieu un peu après 21h30, normalement. Voilà. Tu seras où, toi, William, du coup ? Depuis chez toi ou... Ben alors, c'est encore en question. A priori, je vais peut-être être à Paris, parce qu'il y a un plateau Arte. C'est possible que je sois branché là-dessus. C'est encore un peu l'improvisation, parce qu'à cause des règles sanitaires, même les médias ne savent pas trop. Voilà. Donc, peut-être à Paris. D'accord. Ok, bah donc maintenant, on va parler un petit peu de Curiosity. Donc, Curiosity, qui était le rover de 2012, qui a atterri en 2012, et Perseverance, qui est celui qui atterrira donc en 2021. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la taille de ces rovers, leurs particularités par rapport à leurs prédécesseurs et leurs différences d'ailleurs entre eux ? Ouais, alors Curiosity et Perseverance, c'est le même gabarit. Et c'est quand même un gabarit impressionnant, c'est à peu près 2 mètres de haut, un petit peu plus de 2 mètres de haut, le mât de navigation, et à peu près 3 mètres de long. C'est une grosse voiture, quoi, avec 6 roues. Et propulsé donc par des moteurs électriques, mais qui sont alimentés par un barreau de plutonium qui, par sa chaleur, la chaleur dégagée, donc c'est un peu un moteur nucléaire, qui la chaleur dégagée permet de générer de l'électricité et aussi de survivre aux nuits martiennes, hein, parce que les nuits martiennes sont quand même peuvent avoisiner les moins 100, moins 120 degrés, moins 100 degrés Celsius. Donc il faut vraiment un système de réchauffage, sinon électroniquement ça passe pas, quoi. Et donc pour ça, bon, on a le barreau de plutonium. Pour les précédents, donc ces deux rovers sont beaucoup plus grands que les précédents. Les précédents, c'était Opportunity et Spirit. Eux, ils faisaient plutôt 1,20 m de haut et ils étaient alimentés par des panneaux solaires. Ce qui leur a donné quand même une assez longue durée de vie. Mais bon, ça limite l'activité beaucoup par l'énergie, parce qu'à la fin, quand les panneaux solaires ont commencé à prendre la poussière, il restait à peine assez d'énergie. Cette énergie, elle était utilisée pendant la journée. Dans la nuit, la batterie la stockait dans la journée. Dans la nuit, on l'utilisait pour maintenir le robot en vie. Donc, c'est assez difficile d'explorer Mars dans ce sens-là. Mais donc, ces deux nouveaux robots, il faut vraiment les voir comme des gros gabarits. C'est vraiment la première fois qu'on a, avec Curiosity, posé un rover de cette taille. Il y avait un enjeu extrême sur le système d'atterrissage qui était complètement nouveau, parce que le robot fait presque une tonne. Et du coup, le système de rétropropulsion avec la grue aéroportée, tout ça, ça a été très risqué. Et le fait que Curiosity réussisse a décidé les Américains à le faire une deuxième fois. Et donc, c'est ce qu'on va voir jeudi prochain avec Perseverance, voilà l'aboutissement. Parce que finalement, il s'avère que cette technique d'atterrissage a très bien fonctionné. Donc, on va revoir cet exploit se reproduire, sans encombre. Et cette fois, on a fait atterrir un robot qui sera capable de collecter des échantillons avec une foreuse. Avant de parler spécifiquement du nouveau rover, je voulais peut-être revenir un peu sur Curiosity. Ouais. Donc, ça fait 9 ans, du coup. Il a atterri en août 2012. Ouais. Est-ce que, donc voilà, un peu peut-être avant de commencer sur ta recherche en particulier, s'il y avait un ou deux grands résultats de Curiosity, des choses qu'on ignorait il y a 9 ans et qu'on sait maintenant grâce à Curiosity Moi, je pense que les plus gros résultats de Curiosity, enfin, le plus gros, c'est celui de l'habitabilité. Il a vraiment accompli ce qu'il devait faire, c'est-à-dire tester si l'environnement passait de Mars où il y avait de l'eau. Était en effet un environnement habitable. Et habitable, ça veut dire un environnement où, si vous mettez une petite bactérie, au lieu de mourir, elle sera contente et elle se reproduirait. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de dire si elle a vie, mais ça veut dire que la vie y serait heureuse, elle se développerait. Et en fait, c'est ça qu'on a réussi à faire avec Curiosity, qu'on n'avait pas fait avec les précédents robots. Parce que les précédents robots, la surprise qu'on a eue, donc qui étaient plus petits, hein, ils avaient moins de capacité d'analyse, mais c'est quand même des bons robots géologues, hein, ils ont fait des photos impressionnantes là où ils sont arrivés. Mais là, pour les autres robots, le problème, c'est qu'on a choisi le site, ceux d'avant Curiosity, hein, on avait choisi le site uniquement sur la géomorphologie et avec une cartographie qui n'était pas aussi précise. Et du coup, on a cru qu'on allait se poser dans un lac de cratères, mais en fait, on est arrivé sur une mer de basalte volcanique avec des grès éoliens. Donc en fait, c'est-à-dire que ce qui recouvrait le fond du cratère Il y a peut-être des sédiments de lac, mais ils sont dessous tout ça. Et la seule chose qu'a vu le robot, c'est des sédiments éoliens anciens. Hein. Donc, ça nous a renseigné sur un environnement ancien de Mars. Mais les sédiments éoliens, bah, c'est-à-dire que c'est des dunes de sable qui ont déposé ça il y a des milliards d'années. Et ils étaient saturés de sel sulfaté, donc un environnement très acide. On n'a pas du tout découvert des environnements habitables avec les précédents robots. Donc, on avait une image de Mars un peu tourmentée. Il nous manquait une pièce parce qu'on voyait tous ces réseaux de vallées fluviales. Et c'est pour ça qu'on avait décidé d'envoyer Curiosity dans ce cratère, parce que là, on avait une nouvelle carte. On voyait beaucoup mieux grâce aux nouveaux moyens orbitaux. On avait vu que ce cratère de Gale, qu'on explore depuis 9 ans, avait des argiles. On a analysé la lumière depuis l'orbite et on voyait les argiles, mais on ne savait pas. Bah, depuis l'orbite, on ne peut pas savoir concrètement qu'est-ce que c'est comme roche. Et donc, avec Curiosity, on s'est posé. Et le résultat principal, c'est qu'on a découvert que bah, ces argiles sont dans des argilites, c'est-à-dire des boues séchées, en fait, tout simplement, de fond de lac qui sont empilées. Et les argilites, souvent, elles sont caractérisées par des petites lamines, des laminites, c'est en fait le dépôt de sédiments dans un lac assez profond, mais surtout au fond d'un grand lac. On peut déposer des particules les plus fines qui se déposent tout lentement pour former des couches très fines en fonction des saisons. Et tout ça, ça se fossilise et ça devient une roche. Et ensuite, c'est réexcavé par d'autres mécanismes géologiques et ça affleure en surface après des milliards d'années. Et c'est ça qu'on a trouvé avec Curiosity. Et avec Curiosity, on l'a photographié, on l'a analysé, on l'a foré, on a fait une petite poudre avec et on l'a digéré dans nos instruments. Et par diffraction X, on a vu ce que c'était les argiles en détail. On a vu que c'était des argiles qui se formaient justement dans une eau a priori neutre, peu acide, donc favorable à la vie. Et en plus, on a un autre instrument qui faisait la pyrolyse, donc qui chauffait ces poudres-là d'argilite. Et dans ces émanations de gaz, on a vu des molécules organiques. Et ça, c'est le grand teaser de l'exploration martienne, en fait, c'est d'avoir fait cette découverte-là. C'est-à-dire que, bien sûr, cette molécule organique, elle peut avoir plein d'origines, mais on ne peut pas excluer une origine biologique. D'accord. Et du coup, ouais, donc tu as un peu parlé du site d'atterrissage, mais j'imagine que du coup, ces découvertes-là ont pas mal influencé l'atterrissage de Perseverance. Bah, c'était une sacrée réussite quand même de Gale d'avoir réussi à montrer ça. Ça nous a vraiment conforté dans l'idée qu'il faut aller sur Mars, continuer à chercher des ce qu'on appelle des biosignatures, hein, les signes de vie passée, parce que on a tous les ingrédients. On a un environnement habitable et en plus, on a des molécules organiques. Dans l'enregistrement sédimentaire. Tout ça, c'est des vestiges, mais on a réussi à explorer ces vestiges et à comprendre ça avec Curiosity. Et du coup, ces molécules organiques dont tu parles, on considère que c'est juste les briques du vivant, on est d'accord, c'est pas nécessairement des molécules organiques qui ont été identifiées comme étant produites par des êtres vivants, parce que c'est souvent une distinction que les gens font pas. Oui, c'est des molécules organiques, c'est qu'on peut pas, avec l'analyseur qu'on a, le savoir. C'est-à-dire que la méthode d'analyse, c'est la pyrolyse. Et du coup, ce qu'on va détecter avec les gaz qui sortent de cette pyrolyse, on chauffe très fort la poudre jusqu'à 900 degrés. Et tout au long de cette chauffe, plusieurs 100, 200, 300 degrés, on voit des molécules sortir. Et le problème, c'est que la chaleur peut créer des combustions, peut les casser. Et donc, on voit un peu les enfants d'une réaction chimique. Et on ne sait pas qui sont les parents vraiment, mais il y a plein de parents possibles et il peut y avoir des molécules complexes à l'origine dans l'échantillon qui, elles, peuvent être uniquement biologiques. Mais malheureusement, on n'est pas équipé pour faire des molécules longues. Les molécules longues, complexes, qui sont faites par le vivant, elles ne peuvent pas être analysées par pyrolyse. C'est pas possible. Et dans le nouveau rover Perseverance, il y aura des trucs plus développés, des systèmes d'analyse plus développés que la pyrolyse ou on ne pourra pas le savoir non plus? Alors, c'est une bonne question, mais non, on ne pourra pas le savoir non plus. Justement, c'est pour ça que c'est un robot sac à dos, quoi. On va vraiment faire des carottes. Par contre, on est vraiment très bien équipé, on pense l'être, pour savoir quel caillou choisir. Donc, on a tout un équipement, donc déjà géologique, bien sûr, hein, il faut des caméras. Et des très bonnes caméras, et on a aussi des mesures élémentaires, chimiques, et un peu de minéralogie surtout, on embarque des nouveaux outils pour comprendre les minéraux en plus des éléments, et du coup ça va nous permettre de choisir surtout des outils pratiques très faciles, enfin l'idée c'est qu'on est vraiment sur un timing assez serré pour collecter tous ces échantillons avant de risquer la perte du robot, donc on est équipé pour faire ces choix là qui sont des choix cruciaux, quoi. Voilà, une fois qu'on a collecté l'échantillon, 10 ans plus tard ils sont sur Terre et on n'aura plus que regretter si c'était les mauvais, quoi. Ouais. Parce que du coup, donc ça, tu l'as pas dit, mais le retour se fera par une mission différente qui on compte environ 10 ans pour qu'ils reviennent, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, il faut compter que vraiment la semaine prochaine, c'est un événement crucial parce que s'ils se posent, ça va déclencher en cascade probablement les budgets des missions de retour d'échantillons. Parce que la NASA développe les technologies stratégiques, mais il n'est pas question de développer une mission de retour d'échantillons alors que celle qui fait la géologie et la collecte n'a même pas encore atterri, parce que ce serait un gâchis. Donc en fait, on attend vraiment cet atterrissage avec impatience, quoi. C'est une clé du programme martien pour l'instant. Ouais. Ok. Donc je voulais passer un petit peu sur l'instrument dont tu es spécialiste, donc qui est développé en France, qui a été développé en partie en France. Donc c'est ChemCam sur le rover Curiosity et donc son upgrade, son amélioration SuperCam sur le rover Perseverance. Ouais. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que ces instruments et quelle est la différence entre ChemCam et SuperCam? Ouais, ChemCam, ça part d'une idée d'analyse, c'est que c'est un boîtier d'optique, principalement, qui est en haut du mât de navigation. Donc, il faut l'imaginer en haut de la petite tourelle du robot. Et en plus donc, de faire des images, lui, il a un télescope. Et on utilise ce télescope pour focaliser un laser. Il y a un laser impulsionnel à côté du télescope. Et le télescope permet de focaliser le laser sur des roches à distance. Et ce laser, il est impulsionnel, c'est-à-dire qu'il fait des petites impulsions laser. Et grâce à la focalisation, la roche sur laquelle on va bien ajuster le focus pour que le laser arrive le plus concentré dessus, eh ben, cette impulsion laser va administrer à la roche une quantité d'énergie telle qu'elle va pas pouvoir rester solide. Elle va former à l'endroit où on l'irradie un plasma. C'est-à-dire que, la roche va devenir juste un gaz, une bouillie d'atomes. Et une bouillie d'atomes tellement énergique qu'elle est lumineuse. Et du coup, nous, en fait, en retour, donc ça produit cette petite étincelle, parce que ça se produit rapidement. Mais on transforme une petite portion de roche en plasma. Et on analyse la lumière de ce plasma en même temps. C'est-à-dire que, avec le même télescope, on collecte la lumière qui provient de la roche, de cette étincelle sur la roche. Et du coup, cette bouillie de plasma, justement, par exemple, s'il contient du fer, et les atomes de fer, en se refroidissant, ils vont émettre des lumières caractéristiques de leur atome, des quantas d'énergie qui correspondent à leur organisation atomique des électrons. Et du coup, on va analyser ces pics de lumière et on va être capable, en une fraction de seconde, hop, on fait une étincelle, on regarde la lumière et on voit qu'est-ce qui compose la roche. Donc c'est bien sûr très intéressant d'avoir cette information-là, puisque une roche, ça peut être toutes sortes de choses. Si c'est un basalte volcanique, il y aura principalement de la silice. Ça peut être un oxyde de fer, comme du grand événement d'oxydation sur Terre. On a fait des énormes dépôts de fer à un moment dans l'histoire de la Terre. Ça peut être des carbonates, là on verra du carbone. Ça peut être toutes ces choses-là. Et donc on peut faire ces analyses-là avec cette technique. Voilà, on dit de spectroscopie laser induite, de spectroscopie induite par laser. Et la différence, du coup, avec Perseverance, du coup? Enfin, quels sont les upgrades qu'on ajoute sur Perseverance? Ouais, alors, ouais, donc, quand les Américains ont lancé Perseverance, ils ont envoyé un appel d'offres international. Et nous, avec l'héritage de ChemCam, on a proposé, du coup, un nouvel instrument à ce moment-là. C'était il y a quelques années maintenant. On a proposé SuperCam. Et l'idée, c'est qu'on avait le laser, on avait continué de le développer en parallèle. Donc, on a pu proposer un laser encore plus performant. Et ça nous permet aussi de l'utiliser pour deux techniques. C'est-à-dire que cette fois, on va aussi utiliser le télescope pour focaliser, donc faire ce petit plasma, quoi, qu'on peut faire en chaîne et faire des grilles d'analyse comme ça, de petits points d'ablation. Et on l'utilise d'une autre façon. Le laser, cette fois-ci, au lieu de le focaliser, on le collimate. Donc, il arrive sur la cime. Et l'objectif, c'est pas qu'il la détruise, c'est qu'il fasse en fait vibrer les minéraux. C'est-à-dire que on va chercher dans la lumière réfléchie par ce laser la lumière qui a subi l'effet qu'on dit l'effet Raman. Cet effet-là, c'est-à-dire quand il y a un photon, ça concerne un photon sur 1 million. Donc il faut vraiment illuminer beaucoup la cible pour arriver à le voir. Et c'est-à-dire que quand un photon arrive sur une molécule ou un cristal, il y en a à un moment donné va se produire en réflexion un autre photon qui va être décalé en longueur d'onde à cause d'une réaction avec la liaison moléculaire, et il va produire un pic. Donc si le cristal, un cristal donné va décaler les photons que d'une façon précise. Donc, on va arriver à voir des photons groupés. Donc, en analysant cette lumière réfléchie, on va réussir à voir ces émissions de photons particuliers qui sont caractéristiques de minéraux et de molécules. Mais c'est quand même très difficile parce que il y a très très peu de signal à analyser quand on fait ça. Donc c'est une première hein, sur une autre planète de faire cette technique. L'avantage encore une fois, c'est qu'elle est très pratique. On a un tir laser, on a potentiellement l'information quoi. Donc l'idée, oui, c'était que la technique d'avant, donc où vous faisiez un plasma sur le truc, ouais. Donc la roche était détruite, mais vous aviez accès qu'à une information atomique. Voilà. La composition des éléments atomiques. Ouais. La composition, ouais, voilà. Donc, s'il y avait un oxyde de fer, vous aviez oxygène et fer. On a de l'oxygène et du fer, ouais, ouais. Voilà. Mais là, avec le Raman, vous allez pouvoir avoir aussi une information moléculaire. Tout à fait. Ouais. Vous détruisez pas la molécule pour l'analyser, quoi. Oui, voilà. Par exemple, du verre, une bouteille en verre, c'est de la silice. Mais c'est de la silice amorphe. C'est une formation chaotique de silice à l'échelle atomique. Mais par exemple, un quartz, c'est aussi exactement de la silice, donc SiO2, mais sous forme organisée. Et un quartz en Raman, on le verrait immédiatement. Et un verre, on verrait aussi la différence immédiatement en Raman. Alors qu'avec le laser ablation, les deux donneraient exactement le même résultat. On ne pourrait pas faire la différence. Et du coup, il y a eu déjà quelques questions un peu sur comment en fait ça se dirige un instrument comme ça. Donc, est-ce que tu as un joystick pour faire bouger le rover et puis un petit bouton à côté du pouce pour tirer des coups de laser ou est-ce que, enfin, sur ton expérience sur Curiosity, comment est-ce que vous gérez en fait cette observation Ouais, c'est une très bonne question. Le joystick, on aimerait bien l'avoir. Hein. Des fois, on est frustré. L'exploration de Mars, c'est compliqué, quoi. En effet, ce qui se passe sur Mars se passe sur Mars et reste sur Mars à moins qu'on fasse quelque chose pour l'avoir sur Terre. Donc il y a tout un réseau de télécommunications hein, qui permet à la fin d'avoir les données sur nos ordinateurs, mais c'est compliqué quoi. Surtout, en fait tout ça, ça se passe à des minutes et des minutes lumière de la Terre. Ça a combien environ de la Mars ? Par exemple, en ce moment, au moment de l'atterrissage de Perseverance, Mars sera 11 minutes et 40 secondes. D'accord. Et il va mettre 7 minutes à se poser. Donc, c'est-à-dire que au moment où on apprend que la sonde, on reçoit son signal, bip bip, je recommence à rentrer dans l'atmosphère, je sens les effets du vent de l'atmosphère. En fait, ça fait déjà plusieurs minutes qu'elle est crachée ou posée à la surface. D'accord. Et du coup, notre façon de l'opérer, une fois qu'il est posé, qu'on rentre dans nos opérations, elle est bien sûr impossible à faire avec un joystick. On va pas attendre 11 minutes aller, 11 minutes retour, le moindre mouvement. Donc en fait, ce robot, c'est un peu comme un astronaute. Tous les matins, il se lève, il attend son petit rapport de la journée, exactement à 9h30, heure locale, je peux vous le dire. Il envoie un grand bip vers la Terre. Martienne, 9h30, heure martienne. 9h30, heure locale sur Mars, tout à fait. D'accord. Ce qui peut être n'importe quelle heure sur Terre, ça dépend aussi de où on est sur Terre. Ouais, d'accord. Par contre, nous, voilà, pour pouvoir communiquer avec Mars, peu importe l'heure qu'il est, on a un énorme réseau d'antennes que la NASA a mis en place, s'appelle le Deep Space Network, le réseau de ciel profond, qui sont des antennes de 30 mètres de diamètre réparties sur la Terre en au moins 3-4 endroits pour arriver à envoyer un signal sur Mars au moment où lui, il se réveille. C'est-à-dire que lui, il est 9h du matin, le soleil s'est levé, ça commence à se réchauffer un peu, il met en route ses réchauffeurs, il pointe son antenne vers la Terre, il envoie un grand bip, je suis réveillé. Et nous, on le reçoit. On reçoit ce grand bip, c'est la porteuse de son signal. Et on lui répond le même bip. Et là, on établit la communication. Et une fois qu'elle est établie, et qu'il nous a répondu qu'il était bien là, on lui envoie, en modulant cette porteuse, on lui envoie tout un signal de 0 et de 1 qui va être en fait son activité de la journée. Et lui, il va acquérir ça pendant à peu près une demi-heure. Ça va mettre un petit peu de temps parce que c'est une antenne direct to Earth. Et ça nous permet uniquement d'envoyer quelques commandes. Il n'est pas question d'envoyer des images, que lui nous envoie des images via cette méthode-là, ça prendrait des jours entiers. Donc en fait, une fois qu'il a reçu lui ses petites commandes, hop, il les exécute dans la journée. Donc on lui dit, voilà, avance c'est vraiment un petit rapport de choses à faire, quoi. Avance de 1 mètre, prend 3 photos, tire sur ces rochers-là, avec des coordonnées. Et dès qu'il a l'occasion, là, il utilise un satellite qui est en orbite de Mars, qui passe à peu près 4 fois par jour. Et quand il passe, c'est comme une étoile dans le ciel de Mars. Et là, il dirige son antenne vers ce satellite. Là, le lien est très rapide et le débit de données est beaucoup plus grand qu'avec la Terre. Et donc, il peut à peu près aller 300 mégas, entre 100 et 300 mégas. Ça dépend des passages. Il y a un nouveau satellite qui vient d'arriver. C'est entre 100 et 300 mégas à chaque passage. Entre 100 et 300 mégas à chaque passage, voilà. Donc, depuis 9 ans, on a à peu près 1 teraoctet de données sur Mars. Mais on a mis 9 ans à les accumuler, quoi. Et après, non, peut-être le tera, il ne correspond pas exactement aux données transférées. C'est les données une fois qu'elles sont archivées. Donc, il faudrait faire le calcul. Mais je sais qu'en tout cas, c'est à peu près ça le débit qu'on a tous les jours en termes de données qu'on transfère depuis celles qui sont à bord du robot. Et ce satellite en orbite, lui, ensuite, il a une beaucoup plus grande antenne et il a tout le temps, surtout. Il a tout son temps, donc lui, on cale ensuite son transfert de données vers la Terre. Et c'est comme ça qu'on reçoit ensuite les images. Ensuite, nous, on reçoit un petit mail sur notre boîte mail avec marqué « Data Downlink ». Et voilà, quand on reçoit ça, on sait qu'ensuite, on peut aller se connecter au serveur et il y a les images qui sont apparues, quoi, un nouveau rocher, une nouvelle mesure. C'est fou. Moi, j'ai une question sur le petit programme qui est envoyé tous les matins. Combien de temps vous décidez ça à l'avance ? J'imagine que ça dépend aussi des résultats précédents. Et aussi, mon autre question, c'est combien il y a d'équipes internationales qui participent à ce petit programme que vous envoyez ? Ouais. Ben alors, évidemment, c'est un robot américain. C'est principalement les Américains. Mmh. Mais c'est quand même une collaboration internationale. Et surtout, la NASA est assez forte là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont appris de leurs échecs que, bon, dans une mission, il faut que tout soit horizontal. C'est-à-dire que s'il y en a qui ont les connaissances et qui ont peur de parler parce qu'il y a de la hiérarchie, ça va pas. Donc, en effet, c'est très horizontal. Une fois qu'on est dans la mission, on peut parler à tous les niveaux. On peut, et en fait, c'est ce programme donc, est conçu via une série de réunions qui sont très protocolaires. Hein, enfin, elles sont faites pour ajuster justement aux découvertes, mais il y a un protocole, voilà, pour arriver au bout. Et ce petit programme compilé qui est ensuite envoyé. Et c'est une série de réunions. Et la première, bah, c'est celle où on fait, on a les images et entre scientifiques, on discute. On a à peu près 2 heures pour faire ça. Et on nous a donné à peu près, on sait le jour suivant combien de temps on nous a donné. Par exemple, bon, vous avez 1 heure. De temps avec CamCam. Ensuite, vous avez une cible qu'on peut vous faire avec le bras. Voilà les ressources du rover le jour suivant. Voilà les images. Décidez un peu de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est un de mes jobs. Donc, c'est d'aider l'équipe scientifique. En tant que scientifique, moi-même, je peux participer et proposer des cibles. Mais vu en tant que spécialiste de CamCam, j'aide l'équipe à concevoir des observations qui ont du sens. Donc, c'est moi qui cible les cailloux, qui propose la façon de les analyser. Est-ce qu'on fait un tir en ligne? Est-ce qu'on fait une grille? Je nourris un peu le débat. Maintenant que je suis géologue, quand même, j'ai quelques arguments généralement à proposer pour choisir les cibles. Mais au début de ma thèse, c'était ça que je faisais, quoi. J'aidais à opérer l'instrument dans une communauté scientifique qui travaille étroitement avec la NASA. Ouais, c'est super particulier, en fait, comme fonctionnement d'un instrument scientifique, parce que la plupart des chercheurs, bah, du coup, en astrophysique ou en astronomie, t'as pas un accès aussi proche, en fait, avec l'instrument. Genre, par exemple, pour observer avec Hubble, tu fais une proposale un an avant, t'obtiens du temps, et puis après, ça rentre dans un truc que tu sais pas tu sais même pas quand est-ce que ça va se passer l'observation, tu sais pas tout ça. Puis un jour, on te dit, bah voilà, vos données ont été faites, bah voilà. Mais alors du coup, là, vous avez un truc qui est vachement plus direct, en fait. Et alors, comment ça se passe, en fait? Donc là, tu viens un peu nous expliquer au jour le jour. Et comment ça se passe, en fait, est-ce qu'il y a des moments où ça marche pas bien, et des moments de crise? Tu m'as un peu promis des moments Apollo 13, du coup, j'attends. Oui. C'est arrivé, en effet, c'est arrivé. Non, mais oui, en effet, tu as raison. En fait, on est vraiment une équipe opérationnelle. Et la raison pour ça, c'est que explorer la surface d'une planète, la surface rugueuse d'une planète, c'est la parcourir avec des roues et arriver à un nouvel endroit, et personne n'y est jamais allé avant. Ok, on a une carte depuis l'orbite qui nous permet maintenant d'avoir une résolution, mais le pixel depuis l'orbite, c'est au mieux 50 cm. Donc ensuite, quand on arrive avec le robot et qu'on a les roues dedans, tout est très différent, quoi. On découvre vraiment ce que c'est que la texture des roches. Et pour un géologue, ça, c'est très important. Et aussi pour des ingénieurs qui pilotent le robot. Mais donc du coup, on découvre au fur et à mesure. Et donc à chaque fois, il y a besoin d'une certaine dose de... pas d'improvisation, mais de se donner le droit de découvrir des choses. On a des objectifs stratégiques, on sait vers où on va, tous les jours, à plusieurs centaines de jours, même à l'échelle de la mission, on sait vers où on va, globalement. Mais il faut tous les jours s'autoriser à dire, ah, est-ce qu'on vient pas de faire une découverte majeure là? Est-ce que le caillou, il est pas un peu différent d'avant? Parce que il faut se concentrer pour le voir. Et il y a aussi, est-ce que l'instrument, il fonctionne plus? Et donc ça arrive. C'est-à-dire qu'on a des ingénieurs pour surveiller le signal de l'instrument. Hein. Tous les jours, le CamCam, c'est la mise en route d'une haute tension qui alimente un laser impulsionnel. Il y a un moteur sur l'autofocus qui doit faire déplacer le miroir secondaire d'un télescope casse-grain. Il y a tout un tas de diodes. Il y avait une diode d'ailleurs, c'est ça, le moment 1 pour le 13, cette diode qui permettait de faire la focalisation. Pour le focaliser, on avait une toute petite diode, comme un pointeur laser normal, qu'on peut trouver presque dans le commerce. Celle-là, elle était un peu plus censée être un peu plus robuste. Mais un jour, elle nous a lâchés. En fait, cette diode, on la focalisait sur la roche et on regardait, on déplaçait le moteur pour voir quand est-ce que son signal de retour était le maximum. Et son signal maximum, c'était l'endroit où le moteur était le mieux focalisé. Donc, on avait cette méthode-là qui était bien, robuste. Puis, elle nous permettait de focaliser pendant la nuit, tu vois, par exemple. Et en fait, un jour, cette diode, elle a cessé de fonctionner. On a vu le courant sur la télémesure diminuer jusqu'à devenir nul, c'est-à-dire qu'elle était devenue une résistance infinie. Et donc, en fait, du jour au lendemain, on ne pouvait plus focaliser l'instrument. Donc, à quoi ça sert un télescope? Une impulsion laser, quand elle n'est pas focalisée, elle ne fait rien du tout. En fait, du coup, on a dû... heureusement, on a réussi à contourner le problème en utilisant cette fois-ci, au bout de plusieurs mois, parce qu'il a fallu à travailler avec la NASA pour assurer que ce qu'on allait faire comme mise à jour n'allait pas être problématique. Voilà, quand on joue avec les programmes bas niveau de fond des instruments, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est ce qu'on a fait à distance, depuis la Terre, à travers le réseau DeepSpace. On a mis à jour le programme de CamCam, sa façon d'opérer, pour qu'il utilise un nouveau programme qui utilise les images pour faire l'autofocus. Et du coup, maintenant, quand on focalise le laser, on utilise une série d'images prises avec l'imageur télescopique et on fait une estimation du laplacien du flou. Et du coup, on estime à bord l'image qui est la moins floue à l'endroit où on veut focaliser. Comme sur un appareil photo, on dirait vendu dans le commerce, il y a déjà ces méthodes-là d'autofocus, mais voilà, on l'a mis en œuvre à distance, quoi, sur Mars. On a updaté c'est ce qu'on voit, oui, ça le fait un peu moins, mais sur les appareils anciennes générations numériques, là, on voyait que le truc devenait plus ou moins flou et puis qu'il finissait par se stabiliser, en fait. Ah, c'est déjà ancienne génération, ça. J'ai l'impression que récemment, alors peut-être que c'est parce qu'il le fait tout simplement plus rapidement maintenant, oui, et du coup on le voit plus à l'œil nu. Ouais. Je sais pas. Ouais. J'ai le souvenir avec les vieux appareils qu'effectivement, tu sais, t'appuyais sur, peut-être t'avais deux positions de boutons là sur ton appareil numérique là, et t'appuyais à moitié et tu voyais l'appareil qui et qui se stabilisait à un endroit, à fait, et après t'appuyais complètement. D'accord. Donc c'est à peu près ça. Donc ça, voilà. Après, nous on tire un laser, donc c'est un peu plus méchant qu'un appareil photo. Faut pas avoir les yeux dans l'axe du viseur là, parce qu'on deviendrait immédiatement aveugle. Mais non, mais c'est vrai que le jour où cette diode a lâché, moi je me souviens très bien que la tête que faisait mon directeur de thèse, il était vraiment dépité qu'on avait perdu l'instrument. C'était quelle année ça, du coup? Ah, c'était en 2015 ou 2014. Je me souviens plus exactement. Ça a duré longtemps après. Ça a duré longtemps de comprendre que c'était exactement le problème, puis de développer un software ensuite qui est approuvé par la NASA pour être patché sur le robot. Donc c'était pendant ta thèse. Oui, et après comme dans Apollo 13. On est allé dans la réplique de laboratoire, on a fait des tests dessus, on a vu que ouais, en effet, c'était la photodiode. Ensuite, on a mis à patcher l'instrument qu'on avait ici, qui est sa réplique, en fait. On l'a patché, lui, pour essayer de faire fonctionner des nouveaux types de software et tout. Donc, une fois qu'on avait convergé, on a fini par le mettre. Bon, Apollo 13 s'est joué en quelques jours et il y avait de la vie des astronautes en jeu, mais c'est un peu la même idée, quoi. Et à l'opposé, est-ce qu'il y a des moments un peu eureka où vraiment tu comprends là que vous êtes en train de trouver un truc vraiment incroyable et que tout va très vite et tout devient très excitant ou... Ouais, ça nous est arrivé. Là, en ce moment, c'est en train un peu de nous arriver. Mais on les découvre en ralenti, c'est-à-dire qu'on est à 300 mètres d'un objectif stratégique qu'on avait identifié depuis longtemps. Et là, on commence à recevoir les images. Et ça a quand même la tête de quelque chose d'important géologiquement. Mais il y a d'autres choses par le passé où, bah, moi, je me souviens en thèse de ce moment où le soir, j'analysais les données alors qu'il y avait la réunion en cours. Il y a un peu une machine en route. Donc, voilà, il y a toujours une machine stratégique que le robot, il doit avancer, il doit aller vers son objectif. Et les découvertes, il faut leur donner de la place. Faut avoir des données pour les montrer. Il y en avait une, par exemple, bah, où je m'étais rendu compte que on avait tiré près d'une fracture dans une roche. Et elle était lessivée, légèrement blanche. On avait déjà vu ça par le passé, et c'était une augmentation de silice. Et là, en fait, ce que j'ai trouvé dans ces nouvelles mesures que j'avais demandé la veille, et donc le lendemain, moi, je les analysais parce que bon, c'était moi qui les avais demandé. J'avais un peu personnellement envie d'analyser les données qu'on avait reçues, et vu que c'était moi qui les avais commandées, et je m'étais rendu compte, ah waouh, cette fracture, c'est quasiment de la silice pure, en fait. C'est-à-dire que là, il y avait un niveau de concentration de lessivage dans la fracture. Les lessivages, c'est-à-dire que la roche est fracturée et on voit ces espèces de halo blanchâtre. Et ça, c'est dû à la circulation d'eau chaude, légèrement acide, qui a percolé et nettoyé la roche à une époque où il y avait de l'eau sur Mars, à ces endroits-là. Et là, on a quasiment découvert de la silice pure sur une des mesures. Et elle avait une forme beaucoup plus altérée. Donc, ce que j'ai fait, j'ai envoyé le résultat sous forme d'une figure synthétique. Et après, je me souviens que je m'étais en allé parce que j'avais pas pu suivre la soirée, ce qui se passait. Et vers 11h du soir, je reçois un message. Ah bon, bah, à cause de ton diagramme, le rover a fait demi-tour. Finalement, on va aller forer ce halo parce que c'est le meilleur échantillon qu'on peut pour forer. Donc, il y a des moments comme ça où c'est important, ouais, de rester dans la boucle et de scruter les données, quoi. Il y a quelque chose de très puissant quand on regarde les données de près, ouais. Est-ce qu'on peut intervenir ce qu'on appelle tactiquement, quoi. Et alors, du coup, on avait des questions aussi sur persévérance. Tu n'as pas trop parlé des spécificités, donc en particulier le micro qui est sur Supercam, donc, ouais. Qui est aussi développé à Toulouse, je crois, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Bah, tous les composants de... Oui, le micro est développé à Toulouse, tout à fait. Supercam a plusieurs composants. Et il va servir à quoi spécifiquement, ce micro ? Ben, en fait, c'est par le hasard des choses, c'est le premier microphone martien. C'est-à-dire qu'il y a eu des sondes, comme tu disais, c'est dur d'aller sur Mars. Et le hasard a voulu que celles qui se sont crashées, c'est celles qui avaient des micros. C'est un peu difficile de convaincre tout le temps de faire des petites choses additionnelles comme ça, qui sont a priori pas de la science évidente, quoi. C'est pas avec un microphone qu'a priori on va faire de la géologie. Mais quoi qu'on peut... de façon insoupçonnée l'utiliser. Et en fait, donc on va obtenir les premiers sons de Mars, quoi. Et donc peut-être que si ça se trouve, en se posant, on va se rendre compte qu'on va entendre les grillons. Et donc ça faisait depuis le début qu'il fallait juste mettre un microphone pour trouver la vie. Hé hey, les gars, derrière, ça fait 9 ans que je vous parle. Non, mais en vrai, avec ce microphone, on s'attend à pouvoir quand même entendre les infrasons de l'atmosphère. Donc c'est les sons qui sont dus qui peuvent être dus à des séismes, qui peuvent être dus à des impacts qui ont lieu loin sur Mars et qui se propagent. Il y a plein de phénomènes atmosphériques qu'on va pouvoir enregistrer avec ce microphone, et surtout on va pouvoir entendre ce petit plasma de ce tir dont j'ai parlé. Quand ça fait ce petit tir, quand ça a une petite étincelle, ça fait un plasma, et quand sur Terre on l'entend très bien parce que sur Terre, les sons se propagent très bien. Mars est plus ténu. L'atmosphère est 200 fois moins dense. Et en fait, ça fait que c'est merdique, en fait. Pour les sons, c'est pas génial. Mais on arrive quand même à les entendre. Et en fait, on va utiliser ce son, l'intensité de ce son, pour peut-être calibrer nos mesures. C'est-à-dire qu'on va être capable d'utiliser ça pour connaître l'intensité du plasma qu'on a produit. Et donc, si ça se trouve, grâce à ça, on aura un meilleur étalonnage et on va faire une meilleure géologie. Grâce au microphone, quoi. Ce qui serait un résultat un peu insoupçonné. Il y avait une question aussi dans le chatroom. Est-ce que vous pensez entendre le rover directement avec ce micro-là ou pas, ou c'est... Ah ouais, on pense carrément entendre. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, hein. C'est quand même que sur Perseverance, il y a un hélicoptère. Il y a un hélicoptère qui est accroché sur le dessous du robot. Le robot, il a quand même une bonne marge avec le sol, donc sous son châssis. Il y a de la place, et à cet endroit-là, on a mis un hélicoptère, un petit drone, qui fait quand même avec des pales d'1,20 m de diamètre, mais il fait que 1,8 kg, tout léger. On le pose, il a une communication un peu analogue au Bluetooth avec le rover, mais donc on va s'éloigner, et il va tenter de faire un vol sur Mars. Et on pense qu'avec le microphone, on va pouvoir entendre des choses comme ça. On va pouvoir entendre le vol de l'hélicoptère. On va peut-être, c'est pas sûr, mais on va pouvoir surtout entendre oui, tous les mouvements qu'on fait avec le robot. Il y a des ingénieurs du rover qui sont intéressés de savoir voilà, la foreuse, d'entendre le bruit que fera la foreuse quand on prélèvera des échantillons. Et il y a un autre microphone, il faut le savoir. Alors lui, j'attends aussi beaucoup les sons qu'il va enregistrer. Lui, il va fonctionner pendant la descente. C'est-à-dire que là, vraiment, la descente de ce rover, j'espère qu'il va se poser parce que c'est Hollywood. C'est-à-dire qu'on a des caméras partout. Et autant Curiosity, il y avait une caméra de descente, mais elle a filmé à 15 images par seconde. Donc, c'est un peu saccadé, mais c'était déjà beau. On a pu voir pas mal de choses qui se passaient pendant la descente. Mais là, il y aura une caméra pointée vers le parachute, une caméra de côté, une caméra vers le dessous. Et avec un bon framerate, donc on va pouvoir filmer le déploiement du parachute assez bien. On va pouvoir filmer l'approche, la poussière quand on arrive sur le sol, et un microphone pour enregistrer tout ça en plus pendant la descente. Donc on va avoir une immersion sur Mars avec tout ça. Quoi. Ok, je voulais un peu parler, tu as commencé déjà à en parler, mais spécifiquement un peu ce que toi, tu es spécialiste au sein de toute cette géologie martienne. Donc j'ai été un peu regarder ta thèse et tes papiers, donc je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais on va regarder ensemble. Ouais. Ta thèse s'intitule du coup « Hydratation de la surface de Mars à partir de données du rover Curiosity ». Donc j'ai une petite idée de ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par « hydratation de Mars » et pourquoi c'est intéressant dans ce cas-là ? Ouais, l'hydratation de Mars, en fait on parle d'hydratation de Mars, c'est un terme très général. C'est pour dire que sur Mars, il y a de l'eau et il va falloir la caractériser un peu. Qu'est-ce que c'est que cette eau ? Évidemment, elle n'est pas liquide. On le saurait, mais elle l'est plus en tout cas, parce que les traces de l'érosion par le liquide, on en a partout. Mais donc voilà, cette époque passée où il y avait de l'eau liquide, elle a laissé quand même de l'eau derrière elle, qui est plus liquide maintenant, mais qui est sous plein de formes. Et donc en s'intéressant à l'hydratation par un instrument comme ChemCam qui permet de mesurer l'hydrogène par l'étude alimentaire, c'est la première fois qu'on peut mesurer l'hydrogène in situ de cette façon-là. L'hydrogène, c'est un élément très difficile à mesurer dans les techniques de mesure en laboratoire, mais l'ablation laser dont j'ai parlé permet de le faire. Et on peut savoir à quel élément est lié cet hydrogène, donc on peut savoir où il se trouve dans la matière, associé à quel élément. En tout cas, avec des mesures répétées, on peut deviner qu'est-ce qui le porte. Et donc voilà, cette eau ancienne sur Mars, pourquoi l'hydratation de Mars c'est intéressant ? Parce que, déjà, il y a des choses que l'eau a faites par le passé qui sont évidentes, les réseaux de vallées fluviales fossiles. Mars est recouverte de traces d'érosion par l'eau qui ont formé des vallées fluviales, qui ont fait des dépôts en lac, et qui sont fossiles, qui ont des milliards d'années, mais qui sont encore là. Et en fait, cette eau, elle n'a pas fait que ça. Elle a aussi provoqué des réactions chimiques, elle a déposé des sulfates en s'évaporant, elle a formé des argiles alors qu'elle était stockée dans les eaux souterraines ou en surface dans les lacs. Elle a déposé des carbonates, elle a altéré les roches en silice, elle a fait toutes ces choses-là. Toutes ces choses que font les planètes habitables, en fait, comme la Terre. Elle l'a fait pendant son époque ancienne. Et ces minéraux, ce qu'il faut savoir, qui sont formés, ces traces chimiques, en fait, de l'eau, qui sont organisées dans des minéraux particuliers, certaines contiennent de l'eau. C'est-à-dire que cette eau qui existait là, elle est piégée dans la structure de ces minéraux. Par exemple, un argile, ça contient OH. Et ce OH, c'était de l'eau qui était disponible pendant sa formation. Des sulfates, ils sont très hydratés. Par exemple, de l'epsomite, c'est un sulfate de magnésium. Et on en trouve beaucoup des sulfates de magnésium sur Mars. Mais l'epsomite, elle contient 50% d'eau. C'est-à-dire, c'est du MgSO4 et avec de l'H2O, mais agencé dans une structure particulière qui est celle de l'epsomite. Et il y a tellement d'eau dans cette structure qu'il y a 50% d'eau en poids dans la structure de l'epsomite, par exemple. Et donc, cette eau qui est dans l'epsomite martienne, vraisemblablement, les conditions sont hyper arides en surface sur Terre. Donc, vraisemblablement, cette epsomite a dû perdre son eau. Elle est instable. Ces sulfates sont partiellement déshydratés. Et moi, par exemple, je me suis spécialisé dans la mesure de l'eau associée au sulfate. Et cette eau associée au sulfate, on l'a vu grâce à ChemCam, en tirant sur des matériaux qui... des sulfates, en fait, quasiment purs, sous forme quasiment pure. On a découvert des dépôts de sulfates. Et on peut mesurer leur teneur en eau. Et ça, par exemple, ça nous renseigne. C'est-à-dire que du gypse, c'est du sulfate de calcium avec deux molécules d'eau pour chaque sulfate de calcium. Et c'est différent de l'anhydrite. L'anhydrite, il n'y a aucune molécule d'eau, c'est que du sulfate de calcium. Et l'anhydrite, par exemple, c'est un produit qui se forme du sulfate de calcium quand on l'enfouit profondément avec la chaleur et la pression, il peut se déshydrater ou se transformer en anhydrite. Il y a des conditions particulières qui forment l'anhydrite. Et donc, si on trouve de l'anhydrite ou du gypse, c'est une histoire complètement différente. Étudier, par exemple, l'hydratation de ces minéraux, ça nous renseigne sur ces choses-là. J'ai vu aussi qu'un de tes papiers qui parlait de salinité. Oui. Et est-ce que tu peux nous décrire cette étude et ce que nous apprend un peu sur le passé de cet endroit-là sur Mars, qui était un lac, de ce que j'ai compris ? Oui. Oui, ben en fait, ouais. Donc on a découvert ces argilites, et en fait, ces argilites se sont un peu jamais arrêtées. C'est-à-dire qu'on a continué à monter cette montagne de sédiments, et chaque fois qu'on montait, on accédait à une couche stratigraphique de plus, c'est-à-dire que le dépôt de l'étage du dessus, de l'étage du dessus, tout ça, ça s'est rempli, ça a rempli cet immense cratère de Gale, et donc ça s'est transformé en ces argilites, en ces sédiments de façon plus générale. Certaines sont pas vraiment des argilites, elles sont plus des grès, c'est-à-dire des pierres de sable déposées soit par des fleuves, soit par des dunes. Mais les argites, on a vu beaucoup, et ça a continué sur à peu près 300 mètres d'épaisseur. On a parcouru à peu près 300-400 mètres d'épaisseur, donc ça fait déjà un gros volume de sédiments. Et dans ce volume-là, en épaisseur... Donc, situer un peu, donc, c'est-à-dire que c'est pas vertical, sinon il ne montrait pas, c'est pas une falaise, c'est une pente douce qui correspond environ, si elle était verticale, à 340 mètres, 300-400 mètres de hauteur, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est la hauteur de dépôt sédimentaire qu'on a réussi à grimper avec Curiosity pour l'instant. D'accord. Et sachant que le Mont Sharp a une montagne qui fait 6 km de haut et qui est entièrement faite de sédiments. Donc on est tout en bas et on monte le bas de cet édifice. Et on en est à 300-400 mètres. C'est que des sédiments qui ont été déposés par de l'eau ? Ça veut dire que c'est une montagne sous-marine ? C'est une bonne question. Le cratère est immense, il fait 150 km de large. Et le mont central fait 6 km de haut et il est à peu près au niveau du rim du cratère qui fait lui aussi 6 km de haut. Donc en fait, mais on pense que les dépôts qui sont tout en haut n'ont pas été déposés par l'eau. Ils sont secs. L'endroit où on a des signatures de minéraux hydratés, c'est les dépôts qui sont tout au fond du cratère, donc en bas de cet édifice, dans les premières centaines de mètres. C'est là qu'on voit depuis l'orbite, on savait qu'il y avait des minéraux hydratés, on est arrivé, on les a trouvés, on les a étudiés en détail, avec les moyens qu'on a à bord. Et plus haut, c'est vraisemblablement des dépôts qui sont pas du coup liés à l'eau, plutôt des dépôts éoliens formés par le transport par le vent. Par moment, le vent peut sédimenter, par moment, le vent peut éroder. Ça dépend du régime, de l'atmosphère et de tout un tas de facteurs. Et toute la partie haute de la montagne, c'est probablement des dépôts éoliens. D'accord. Il y a des exemples sur Terre de dépôts éoliens particuliers ou c'est une... Des dépôts éoliens, bien sûr. Oui. Sur Terre, par exemple, il y a des dépôts éoliens les plus monumentaux qu'on connaît. C'est ceux qui sont préservés. Bon, il y en a aussi dans d'autres continents, mais de la même formation. Et surtout les continents, d'ailleurs. Mais ceux qui sont connus, c'est ceux dans le désert de l'Utah. Par exemple, Zion National Park. Zion, ouais. Et ça, c'est des dépôts sédimentaires qui datent de l'époque de Pangée, où en gros, tous les continents de la Terre étaient réunis en un seul. Et du coup, ce supercontinent était tellement grand que l'humidité des océans qui était apportée par les nuages n'arrivait pas à atteindre le centre du continent. Et donc, du coup, tant que ce supercontinent existait, il y a eu au centre de ce continent perpétuellement un immense désert qui a duré des millions et des millions et des millions d'années. Et donc, des endroits de ce désert étaient sédimentaires, c'est-à-dire que des endroits du continent s'enfonçaient, et du coup, les sédiments remplissaient, et ces sédiments, c'était du vent. Et donc, il y a des immenses dépôts de passages de dunes immenses qui se sont accumulés à cet endroit-là, qui se sont enfouis, qui se sont lithifiés, transformés en roches, et qui ressortent maintenant que les continents se sont séparés à divers endroits du globe. Et dans l'Amérique du Nord, ça fait vraiment des dépôts éoliens assez impressionnants. Et sur Mars, on a eu une époque vraisemblablement désertique. L'histoire géologique n'est pas la même. Hein. On n'a pas eu de supercontinent entouré d'un océan, a priori, quoique. Mais bon, cette époque est passée. En tout cas, Mars n'est plus habitable aujourd'hui. Mais voilà, on essaie de comprendre Gale et un enregistrement. Donc ce cratère, cette formation, c'est un enregistrement remarquable. C'est en fait une des structures de référence sédimentaire qui existe sur Mars. C'est un peu pour ça qu'on l'a ciblée. Moi, j'ai une question par rapport au fait que tu as parlé donc de sédiments qui s'accumulent, de déshydratation, de choses comme ça. Ça peut faire penser à donc quand tu as un grand empilement de sédiments avec des zones où tu en as moins, est-ce que ça peut donner des indices sur l'éventualité de l'existence d'une tectonique des plaques sur Mars. Il me semble que c'est vachement discuté, ça. C'est vrai. Est-ce que ça peut aider à comprendre ce qui se passe ou... Alors ça, c'est un gros sujet sur Mars, enfin, un gros ou un non-sujet pour beaucoup de gens, et pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que Mars a vraiment eu un mystère profond. C'est-à-dire que c'est une planète avec une dichotomie à l'échelle planétaire. Tout l'hémisphère sud est à peu près 10 km en élévation au-dessus de l'hémisphère nord. L'hémisphère nord est comme un immense bassin, 10 km en dessous de l'hémisphère sud. Et en fait, cette dichotomie, le fait que tous les hauts plateaux du sud soient, et eux, ils sont beaucoup plus anciens, cratérisés, il y a des montagnes, mais c'est en général un plateau beaucoup plus haut en altitude, on a du mal à l'expliquer. Il y a plusieurs modèles qui cherchent à expliquer leur origine. Certains parlent d'un impact géant qui aurait ablaté la croûte de l'hémisphère nord complètement. D'autres parlent d'un mécanisme de tectonique, comme je disais, qui sont liés à la convection du manteau. Mais vu que sur Mars, Mars est une planète plus petite, elle s'est refroidie. On sait qu'aujourd'hui, géologiquement, il n'y a plus de tectonique. Cette convection aurait été unipolaire. C'est-à-dire qu'on aurait une convection du manteau que dans un seul point chaud. Et du coup, ça aurait fait que les proto-continents auraient convergé tous vers l'hémisphère sud. Et ce serait resté là, et ensuite, il n'y aurait plus de convection. Il y en a d'autres qui suggèrent que c'est lié, c'est-à-dire que l'impact géant a lui-même unipolarisé la convection du manteau, et du coup, ça a provoqué la convergence des continents au sud. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, et il y a cette situation finale, un peu, où il y a un hémisphère sud un peu bizarre, et il faudrait aller s'y poser pour comprendre le problème de l'hémisphère sud, c'est qu'il est tellement haut en altitude que la densité de l'atmosphère est plus faible. Et le problème, c'est que les sondes, avec leurs parachutes, elles ont besoin d'atmosphère pour se poser. Pour freiner, ouais. Et plus les robots étaient gros, plus il leur fallait des gros parachutes, plus il leur fallait d'atmosphère. Enfin, c'était pas une bonne combinaison. Mais j'espère qu'on va trouver des moyens d'explorer l'hémisphère sud de Mars encore plus en détail, parce qu'elle nous réserve des promesses, elle nous réserve des découvertes. Ok, bah merci bien. Et alors, il y avait des questions dans la chat, il y avait plein de questions dans le chat room. J'ai essayé d'en poser certaines. Il y avait, est-ce que un martien qui demande si est-ce que la pierre des sables, est-ce que c'est comme une rose des sables, est-ce que c'est aussi comme ça que la rose des sables se fait, ou ça a rien à voir? Alors la rose des sables, c'est du gypse, c'est-à-dire que en effet, c'est lié à des eaux souterraines donc d'abord il y a du sable. Qui est déposé dans un environnement sec, un désert par exemple, des dunes de sable. Mais il faut qu'il y ait de l'humidité en quantité suffisante, et surtout des sulfates quelque part dans cette eau. Et cette eau, quand elle est en souterraine, elle va stagner et elle va peut-être s'évaporer très lentement, et elle va atteindre la saturation du sulfate de calcium sous la terre, donc pendant, ça va mettre du temps. Et le fait que ça met du temps, c'est crucial, parce que du coup, ça fait que la cristallisation, elle va nucléer qu'à un ou deux endroits et s'agréger tout lentement par diffusion. Et du coup, quand tu diffuses tout lentement les sulfates et le calcium de l'eau vers des points de nucléation, ça va faire grandir un beau cristal à l'intérieur du sable. Et du coup, ça va piéger du sable en même temps. Et c'est comme ça que se forment les roses des sables, dans des eaux souterraines de dunes qui cristallisent tout doucement. D'accord. Et du coup, il y en a sur Mars ou pas? Alors, on a trouvé des sulfates dans Mars, mais le problème, c'est qu'il y avait tellement de sulfates que c'est complètement gonflé de sulfates. Et on n'a pas trouvé les jolies roses des sables qu'on peut trouver pour l'instant. Mais je suis persuadé qu'il y en a sur Mars quelque part qu'on n'a pas encore trouvé. Ça ne m'étonnerait pas d'en trouver, et des peut-être même encore plus grosses. Voilà, ça serait une exploration à faire. Mais c'est vrai que les sulfates et les dépôts éoliens sont généralement liés, parce que c'est un environnement sec, les sulfates se forment par évaporation, donc c'est lié à ces époques terminales où l'eau s'évapore, le climat devient sec. Il y avait aussi des questions sur le code qui est utilisé pour coder je crois que c'était GPIF qui a posé cette question-là, sur le code qui est utilisé pour faire marcher le rover, c'est quoi comme type de code? Je ne sais pas si tu sais. Ben, ça fait partie des choses qu'on n'est pas le droit de savoir. C'est-à-dire qu'on contribue à un rover dont certaines technologies sont un peu cachées. Le code, on sait qu'on y contribue parce qu'on a un instrument. Donc, mais ce que je peux dire, c'est que ce code, il est quasiment fait maison. C'est-à-dire que c'est un robot, c'est des instruments qui ont été faits par eux-mêmes. Donc, c'est du code du séquentiel. Et on invente notre propre bibliothèque de commandes, nos propres fonctions. Je ne sais pas exactement à bas niveau comment est codé le robot, non. Donc, vous vous envoyez un code, en fait, en Python, et il est traduit quelque part dans non, alors, on a, non, nos ingénieurs ont défini un dictionnaire de commandes et on a établi tout un protocole de compilation où nous, quand on est au jour le jour en train de faire des plans, on doit être capable, en 2-2, à des géologues, de leur montrer « Ah ouais, regardez, ces 10 points laser, ils durent 30 minutes. Quand je le raccourcis, ça dure 5. » voilà. Et ensuite, à la fin, on exporte ça donc, sur un outil de planification où on voit les activités sur un outil hyper ergonomique. Et ensuite, on compile ça en code à la fin. Et ce code, donc, c'est nos ingénieurs de CamCam qui ont bossé pour faire en sorte qu'on ait une compilation automatique à partir de l'outil de planification qui fasse un code que l'instrument puisse exécuter. Mais ça, c'est du dictionnaire de commandes qui ont dû être conçus de zéro, quoi. D'accord. Alors, Sherlock a aussi un spectromètre Raman. Sherlock, c'est un autre instrument de persévérance, c'est ça ? Oui, oui. Quelle est la différence entre les deux Raman ? Ouais, bonne question. En effet, on a deux Raman. Sherlock, lui, c'est un instrument qui est déployé sur le bras. Donc, ça va être un peu plus coûteux de l'utiliser. Parce que quand on arrive quelque part, on prend des photos et donc... on peut directement utiliser Supercam. Sherlock, il va falloir déployer le bras pour l'utiliser. Donc, il faut réchauffer les moteurs du bras, les faire fonctionner. C'est des choses qu'on va faire, peut-être un peu, tout petit peu plus rarement, plus occasionnellement. Mais en effet, Sherlock, lui, il va au contact. Il se focalise très près à quelques centimètres de la roche et il focalise le laser sur 100 microns, donc encore plus précis. Et il peut faire des petites cartographies. Et en effet, lui, il fait de l'effet Raman, c'est-à-dire qu'il cherche pas à focaliser pour ablater. Lui, il focalise juste pour irradier une toute petite zone de matière, mais il veut pas la détruire. Donc ça, c'est un truc compliqué, hein, parce qu'en Raman, il faut le plus de flux possible, mais en même temps, il faut pas cramer la cible. Donc voilà, on ajuste ça avec d'abord en laboratoire, quoi. Il faut faire attention à pas faire un instrument destructif. Et le laser, lui, de Sherlock, il est intéressant, parce que lui, c'est un laser UV. Et l'effet Raman est encore plus efficace dans les énergies. Plus on augmente l'énergie du laser en longueur d'onde, plus cet effet Raman est efficace. Donc en fait, on peut produire l'effet Raman de façon plus efficace. Le problème, la contrepartie, c'est que cet instrument, il est sur le bras. Le bras, il est déjà encombré d'une foreuse, de tout un tas de systèmes de manipulation des petits cylindres d'échantillonnage, il y a trois autres instruments qui cohabitent, et du coup, il n'y a pas beaucoup de place. Et du coup, le spectromètre, en plus dans l'UV, c'est très difficile de faire de la spectroscopie, de faire des optiques qui sont transparentes dans l'UV, qui sont performantes dans l'UV, sachant que l'effet Raman, c'est un photon sur un million. Donc, de faire des optiques très performantes dans l'UV, c'est difficile. Donc, eux, ils ont quand même des problèmes d'efficacité. Ça fait que certains minéraux, ils vont vraiment pas être trop capable de les voir, on sera complémentaires, disons, parce qu'une des choses qu'ils peuvent faire aussi dans l'UV, c'est la fluorescence. De façon assez bien, ils peuvent bien distinguer. La fluorescence, elle peut être liée à la matière organique. Donc ça va être... c'est un peu difficile de comprendre, en tout cas analytiquement, c'est très compliqué d'analyser un spectre de fluorescence, mais on sait que par expérience et par test en labo, on sait que qu'il y a des spectres de fluorescence qui vont pas nous mentir et qui vont être le signe de présence de matière organique. Donc évidemment, ces instruments-là, ils vont servir à choisir hein, quel échantillon on va ramener sur Terre. Ok, et finalement, une question de fine mouche sur la différence des hauteurs des deux zones géographiques de Mars. Est-ce que c'est ça qui explique en partie les grandes tempêtes de Mars ou... Sur la différence géographique entre quoi et quoi entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, j'imagine. C'est ça, oui. Pardon, oui. Oui, les grandes tempêtes, alors elles sont étudiées, en effet, et elles sont saisonnières. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année qui correspond... Je suis pas atmosphéricien, mais ce que je sais, c'est que, en effet, c'est une connexion entre la nuit, le jour et la nuit à une saison particulière. Il y a une telle différence de pression qu'il y a des vents très violents qui se développent et qui se mettent à soulever la poussière, qui normalement ne serait pas soulevée autant. Et c'est un phénomène qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que le fait qu'il soulève de la poussière, ça fait de l'ombre sur des régions immenses, qui augmente la différence de température, qui augmente le vent. Donc il y a un phénomène qui peut se passer à un moment précis de la saison qui fait un emballement. Et toute la planète peut se retrouver avec de la poussière en suspension dans l'atmosphère. Je pense que moi, ce que j'avais retenu, c'était à une conférence, quelqu'un qui présentait que Valles Marineris, la Grande Vallée, elle est est-ouest, elle connecte le jour et la nuit, en fait. D'un côté du canyon, c'est encore la nuit, alors que l'autre, c'est le jour. Et ça fait un grand canal où peut s'écouler des vents violents entre le jour et la nuit, où il y a des grandes différences de température sur Mars. Il y a à peu près 100 degrés de différence, hein, c'est comme aller au four et en sortir, mais entre le jour et la nuit. Et donc, du coup, ça peut faire ce genre de phénomène atmosphérique. Et ceux-là, en fait, on pense qu'ils sont très intéressants parce que, justement, l'atmosphère, paradoxalement, elle réchauffe un peu. Et du coup, elle déshydrate un peu plus. Elle pousse l'eau dans des régions encore plus élevées de l'atmosphère. Et en fait, dans ces régions-là, l'eau est érodée beaucoup plus efficacement. Et ça, c'est un des résultats de MAVEN. C'est-à-dire qu'on a compris qu'en fait, peut-être que l'échappement terminal de Mars de l'eau est lié à ces... MAVEN, c'est notre mission spatiale en orbite, c'est ça, MAVEN. En orbite, ouais. Qui mesure les molécules qui s'échappent de l'atmosphère de Mars. Et on a compris pendant une tempête solaire que, en fait, l'eau partait avec un débit beaucoup plus grand dans l'espace. Une tempête solaire ou une tempête... Une tempête de poussière, pardon, excuse-moi. D'accord. Une tempête de poussière. Pendant ces périodes-là, l'eau est à une zone où elle est beaucoup plus vulnérable à l'échappement atmosphérique. Donc c'est peut-être ce genre d'événement de tempête de poussière qui contribue au budget d'échappement d'eau de Mars, de façon bien plus significative qu'on pensait. Ouais. Très bien, et merci bien. Ouais, c'était top. Merci beaucoup de m'avoir reçu, hein. C'est très chouette. Je suis vraiment content de pouvoir faire ça. Est-ce que tu es venu avec une citation ? Ah oui, j'en avais prévu une. C'était celle de Saint-Exupéry. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Voilà. Elle est bien. Ça marche bien. Ça va bien avec Mars. Avec ouais. Ça marche bien avec Mars. Très bien, merci. On passe très rapidement au quiz du mois. Eléa, est-ce que tu peux nous rappeler le quiz du mois ? La réponse sera la semaine prochaine, le 17 février. Donc répondez avant si vous voulez. Oui, bien sûr. Pour ceux qui nous découvrent dans cet épisode, régulièrement, on questionne une idée reçue ou une question fondamentale de la vie quotidienne et on vous propose de nous envoyer la réponse par email sur podcastscience@gmail.com ou sur nos réseaux sociaux. Et le quiz du moment est « Les plantes brûlent au soleil si on les arrose en plein soleil. Info ou intox ?» Voilà. Je ne sais pas si tu as un avis, William, sur la question de l'arrosage de plantes. Pas particulièrement, je sais qu'on n'y est pas encore arrosé des plantes sur Mars, j'aimerais mais... Ok, et du coup il est maintenant temps de clore cette émission. Un grand merci à William d'être venu nous parler de Mars. Merci beaucoup. J'espère qu'il vous a convaincu du coup de suivre l'atterrissage la semaine prochaine en direct. Ça sera vraiment un chouette moment. Et en attendant, parlez de nous autour de vous et sur vos réseaux si vous aimez ce que nous faisons. Écurcir vers la science soit votre joie.